Néhémie chapitre 3. Éliasib donc, le grand sacrificateur, se leva, avec ses frères les sacrificateurs, et ils rebâtirent la porte du bercail, laquelle ils sanctifièrent, et ils y posèrent ses portes, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Et à son côté rebâtirent les gens de Jéricho, et à côté d'eux, Zakur, fils d'Inri, rebâtit. Et les enfants de Séna rebâtirent la porte des poissons, laquelle ils planchayèrent, et ils mirent ses portes, ses serrures et ses barres. Et à leur côté répara Mérémoth, fils d'Urija, fils de Co, et à leur côté répara Mésulam, fils de Berekja, fils de Mézézabéel, et à leur côté répara Tsado, fils de Baana. Et à leur côté réparèrent les Tekoïtes, mais les plus considérables d'entre eux ne se rangèrent point à l'œuvre de leur seigneur. Et Jéhojada, fils de Pazia, et Mésulam, fils de Bézodja, réparèrent la porte vieille, laquelle ils planchayèrent, et ils y mirent ses portes, ses serrures et ses barres. Et à leur côté réparèrent Méladja, Gabaonite, et Jadon Méronotite, de Gabaon et de Mitzpah, vers le siège du gouverneur de Dessa le fleuve. Et à côté de ce siège répara Uziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à son côté répara Ananja, fils de Harakaïm, et ainsi ils relevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. Et à leur côté répara Réphaja, fils de Hur, capitaine d'un demi-quartier de Jérusalem. Et à leur côté répara Jédaja, fils de Harumaph, même à l'endroit de sa maison, et à son côté répara Atu, fils de Azabneja, et Malkija, fils de Harim, et Azub, fils de Pahat-Moab, en réparèrent autant, et même la tour des fours. Et à leur côté, Salom, fils de Lobé, capitaine de l'autre demi-quartier de Jérusalem, répara, lui et ses filles. Et Anin et les habitants de Zanoa, réparèrent la porte de la vallée, ils la rebâtirent, et mirent ses portes, ses serrures et ses barres, et ils bâtirent 1000 coudées de muraille, jusqu'à la porte de la fiente. Et Malkija, fils de Réchab, capitaine du quartier de Beth-Kerem, répara la porte de la fiente, il la rebâtit, et mit ses portes, ses serrures et ses barres. Et Salom, fils de Colosé, capitaine du quartier de Mitzpah, répara la porte de la fontaine, il la rebâtit, et la couvrit, et mit ses portes, ses serrures et ses barres, et il répara aussi la muraille de l'étang de Sela, tirant vers le jardin du roi, et jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Après lui répara Néhémie, fils d'Asbu, capitaine du demi-quartier de Beth-Sur, jusqu'à l'endroit des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été refait, et jusqu'à la maison des forts. Après lui réparèrent les Lévites, Réhom, fils de Bani, et à son côté répara Azabja, capitaine du demi-quartier de Keïla, pour ceux de son quartier. Après lui réparèrent leurs frères, savoir, Babaï, fils d'Enada, capitaine de l'autre demi-quartier de Keïla. Et à son côté, Ézé, fils de Jésua, capitaine de Mitzpah, en répara autant, à l'endroit par où l'on monte à l'arsenal de l'encoignure. Après lui, Baruch, fils de Zakaï, prit courage, et en répara autant, depuis l'encoignure jusqu'à l'entrée de la maison d'Éliasib, grand sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Urija, fils de Co, en répara autant, depuis l'entrée de la maison d'Éliasib, jusqu'au bout de la maison d'Éliasib. Et après lui réparèrent les sacrificateurs, habitants de la campagne. Après eux, Benjamin et Azub réparèrent à l'endroit de leur maison. Après lesquels, Azarja, fils de Maazéja, fils d'Ananja, répara auprès de sa maison. Après lui, Binui, fils d'Aneda, en répara autant, depuis la maison d'Azarja, jusqu'à l'encoignure, même jusqu'au coin. Et Palal, fils d'Uzaï, depuis l'endroit de l'encoignure, et de la tour qui sort de la haute maison du roi, qui est auprès du parvis de la prison. Après lui, Pédaja, fils de Paro, et les Nétiniens, qui demeuraient en Ophel, réparèrent vers l'Orient, jusqu'à l'endroit de la porte des eaux, et vers la tour qui sort en dehors. Après eux, les Tekoïtes en réparèrent autant, depuis l'endroit de la grande tour qui sort en dehors, jusqu'à la muraille d'Ophel. Et les sacrificateurs réparèrent depuis le dessus de la porte des chevaux, chacun à l'endroit de sa maison. Après eux, Tsado, fils d'Imé, répara à l'endroit de sa maison. et après lui répara Semaja, fils de Sekanja, garde de la porte orientale. Après lui, Ananja, fils de Selanja, et Anin, le sixième fils de Tsalaf, en réparèrent autant. Après eux, Mesulam, fils de Berekja, répara à l'endroit de sa chambre. Après lui, Malkija, fils de Tsoref, répara jusqu'à la maison des Nétiniens et des revendeurs, et l'endroit de la porte de Mifka, et jusqu'à la montée du coin. Et les orfèvres et les revendeurs, réparèrent entre la montée du coin et la porte du bercail.